Les romans de la table ronde, tome 2, par Paulin Paris. Livre 3, Merlin, par Robert de Boron. Chapitre 1er, Conseil des démons. Grande fut la colère de l'ennemi quand Jésus, du sein de la mort, vint briser les portes d'enfer, emmener avec lui Adam, Ève et tous les premiers amis de Dieu, pour les transporter des ténèbres douloureuses au lumineux siège du paradis. Les démons éperdus et comme enragés s'amoncelèrent en criant. Quel est cet esprit assez fort pour briser nos portes et renverser nos forteresses? Nous devions croire qu'aucun enfant de femme n'esquiverait nos chaînes, et voilà qu'il est venu faire de l'enfer une solitude. Comment a-t-il pu lui-même échapper au service qu'il nous devait? Un démon, élevant alors la voix, « Je sais l'origine de nos revers. Nous avons perdu notre cause en croyant la rendre meilleure. Rappelez-vous les paroles dont nous ont longtemps fatigué les prophètes. Le Fils de Dieu, disait-il, descendra sur la terre. Il apaisera la querelle commencée par Adam. Il sauvera ceux qu'il lui plaira de sauver. Hélas, ils annonçaient ce qui est arrivé. Leur sauveur est venu, qui nous a ravis des âmes à son choix, et les a reconquises. Nous aurions dû le deviner, le prévenir peut-être. Leur sauveur a fait plus. Il efface le péché pris dans le flanc maternel par le moyen de je ne sais quelle eau qu'il leur jette au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous perdons ainsi tous nos droits, à moins que d'eux-mêmes ils ne reviennent à nous. Pour comble de malheur, il a laissé sur la terre des ministres qui ont pouvoir d'effacer les iniquités successives si l'on vient à se repentir de les avoir commises. Ainsi les hommes peuvent toujours nous échapper. Est-ce là de la justice? Oh, comme il a dû subtilement ouvrer, et quel amour ne lui ont pas inspiré ces hommes pour le décider à prendre chair au milieu d'eux afin de les racheter. Quand ses desseins ont éveillé nos soupçons, nous l'avons harcelé, nous avons tenté de l'induire à se mêler de nos œuvres, comme avait fait Adam. Nous y avons perdu nos peines. Quelqu'un ici ne trouvera-t-il pas un moyen, non de recouvrer ce que nous avons perdu, mais au moins de garder ce que nous sommes encore en danger de perdre? Ah ! S'écrièrent tous les autres démons. Si l'homme peut toujours être pardonné, s'il lui suffit du repentir d'un jour pour nous échapper, notre empire est détruit. Nous n'avons plus qu'à souffrir sans avoir la consolation de voir souffrir les hommes. D'autres dirent, ce qui nous a le plus nui, ce qui a pressé la venue de celui qui devait briser l'enfer, c'est l'effort que nous faisions pour réduire au silence, à l'aide de nos tortures, ceux qui annonçaient sa venue. Plus ils parlaient, plus nous les frappions, et leur sauveur ne s'en est que plus hâté de les arracher à nos supplices. Maintenant, si nous parvenions à douer un homme de notre science et de notre malice, un homme qui serait sur la terre ministre de nos intérêts, nous pourrions recevoir par lui grand confort. Comme il saurait tout ce qui s'est dit et fait, de près ou de loin, dans les siècles passés et présents, il n'aurait pas de peine à prendre sur les hommes une autorité souveraine. Un autre ennemi dit alors, « Je n'ai pas le pouvoir de faire concevoir une femme, mais si je l'avais, je sais une fille d'Ève qui se prêterait volontiers à nos vues. » « Écoutez-moi, dit un autre, il en est un parmi nous qui prend à son gré la forme humaine et s'approche quand il veut des femmes. Ne pourrait-il, à la condition de ne pas laisser soupçonner nos desseins, faire ce que tu demandes? L'être conçu de cette manière pourrait, en vivant parmi les hommes, répondre à toutes nos espérances. » Ainsi, dans l'espoir de tromper le Dieu Tout-Puissant, notre Père, le grand ennemi résolut de former un homme doué de son sens et de sa malice. Combien fut étrange en cela sa folie et son aveuglement de penser cacher cette âme au Tout-Puissant qui voit tout. L'assemblée s'étant séparée après ce grand conseil, l'esprit qui disposait à son gré d'une femme alla la trouver. Cette femme, dans l'ancien poème anglais dont George Ellis a donné l'extrait, est chaste et belle. Cela jure avec la pensée de l'auteur original qui n'admet pas que Satan pût avoir la moindre influence sur ceux qui vivaient en bonnes œuvres. plus loin, quand la mère de Merlin conserve son ancienne pureté, après l'attentat dont elle a été victime, le démon se désole de ne pas savoir mieux qu'auparavant ce qu'elle fait et ce qu'elle médite, parce qu'il n'a pu souiller son âme en même temps que son corps. Cette théorie psychologique, pardon du mot, est fort belle, mais n'aurait-elle pas le défaut de faire remonter jusqu'à Dieu le péché originel ?